Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Mena fe nunu iri la, ibena atoko fonyene. Mena fe nunu iri la, ibena atoko fonyene. La clé. Nitogo ponyi. Nitogo ponyi. Le verre. Nitogo veri. Nitogo veri. La montre. Nitogo monturu. Nitogo monturu. Les lunettes. Nitogo lunetti. Nitogo lunetti. Le téléphone. Nitogo téléphoni. Nitogo téléphoni. Le peigne. Nitogo peigne. Nitogo peigne. Les ciseaux. Nitogo ciseaux. Nitogo ciseaux. Le rasoir. Nitogo dashili. Nitogo dashili. L'enveloppe. Nitogo enveloppe. Nitogo enveloppe. Le crayon. Nitogo kasebenli ni crayon ye. Nitogo kasebenli ni crayon ye.